Réponse numéro 14. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie, c'est de croire qu'Allah est le créateur de toutes choses, celui qui gère tout, et qu'il n'a pas d'associé dans cela. Source: Ad-Durus al-Muhimma de Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Tawhidullahi fi ar-Rububiyyah huwa al-Imanu بأن الله هو الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. المصدر: الدروس المهمة للشيخ عبد العزيز بن باز.